tout départ une solution aux équations de la relativité générale d'Einstein qui n'emportait d'ailleurs, paraît-il, pas l'enthousiasme du physicien. Puis ce furent les binaires X, ces étoiles qui tournent autour d'une importante masse invisible qui commencèrent à confirmer leur existence. Puis ce furent les quasars, l'effet de l'antigravitationnel, les indices s'accumulaient jusqu'à la détection d'ondes gravitationnelles qui fut la première preuve directe de leur existence et des effets sur l'espace-temps de la coalescence de deux trous noirs. Et puis, le 10 avril dernier, vint la première image du trou noir supermassif M87 étoile. Trou noir, de nouvelles images à l'horizon, c'est le programme clair-obscur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette image historique dans l'histoire de l'astronomie, de sa réalisation et de ses conséquences, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Riazuelo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et Stéphane Corbel, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'Université de Paris et directeur de la station de radioastronomie de Nancy. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur notre site franceculture.fr et en podcast via l'application que vous portez le plus dans votre cœur. Now we have to start with the session. We are looking into space. À présent, démarrons la session. Nous regardons dans l'espace en direction d'une galaxie. Une galaxie géante, à 500 milliards de milliards d'années-lumière de nous. Pardon, à 500 milliards de milliards de kilomètres de nous. Une très grande galaxie dont on supposait qu'elle abritait un trou noir supermassif en son centre. Il y a 101 ans, quelqu'un a découvert un jet de lumière qui est du plasma expulsé à partir du centre de la Voie lactée et marquant la présence des trous noirs supermassifs. Je n'ai jamais cru que ce trou noir était aussi gros que les gens le disaient, jusqu'à ce que nous voyions ça. Voilà le noyau de la galaxie M87, et voilà la première image d'un trou noir. Voilà, c'était il y a 15 jours, le 10 avril dernier, aux alentours de 15h, heure française, l'annonce et la présentation de la toute première image donc d'un trou noir, le trou noir supermassif au centre de la galaxie M87. Peut-être juste pour commencer, j'ai envie de savoir vos réactions, Alain Riazuelo, quand vous avez vu cette image. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous qui travaillez sur les trous noirs depuis longtemps maintenant? La même réaction qu'on a entendue, c'est-à-dire que les gens spontanément ont applaudi. Et d'ailleurs, c'était presque surréaliste de voir une conférence de presse dans les locaux de la Commission européenne où la première réaction des gens, c'était d'applaudir. Stéphane Corbel. C'est comme, en fait la première fois qu'on voyait une image finalement d'un objet sur lequel on travaille depuis longtemps. Donc c'est un peu comme hier, vous avez une émission en fait un petit peu sur des ossements humains. Enfin, imaginez un petit peu un paléontologue, en fait, finalement, il travaille sur des ossements humains et puis d'un seul coup, on lui présente l'image de l'homme préhistorique sur lequel il est en train de travailler. Donc vous imaginez sa réaction, en fait c'est assez magique, en fait, hein. Donc c'est la première fois, donc il y a la compréhension physique de ce qui vient derrière, mais après aussi la portée de l'image, en fait, qui est quand même assez importante. Comme disait Aino Fall, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un peu aussi c'est comme si on voyait la porte de l'enfer, en fait, hein. Donc il y a ce côté là un petit peu grand sensationnel qui impressionne, mais c'est après, voilà, il faut aller plus loin, quoi. Okay, alors cette image, tout le monde, ou j'imagine à peu près tout le monde l'a vue. Si ce n'est pas le cas, nous venons de la poster sur notre fil Twitter @lamethodefc. Mais j'aimerais savoir comment vous la décririez, vous, pour nos éditeurs, cette image. À quoi ça ressemble, finalement, ce qui a été présenté, cette image, ce trou noir supermassif de M87? Alors, l'image, c'est en fait la silhouette du trou noir qui se détache devant un fond lumineux qui est formé par de la matière qui spirale autour de ce trou noir. Et donc, au centre, il y a le trou noir qui empêche la lumière de passer depuis derrière. Et donc, on voit vraiment sa silhouette. Alors, dans les papiers scientifiques, les gens parlent de l'ombre du trou noir, mais c'est vraiment la silhouette. On le voit en avant-plan d'une source lumineuse étendue. Stéphane Corbel. Donc, sur la description en règle générale, sur ce qu'on peut dire de cette image, sur la façon dont vous l'avez perçue, vous. Bah, sur la façon dont on a perçu, donc, enfin, la description, donc, c'est vraiment ce que disait Alain. En fait, on a cet anneau qu'on voit, qui est un peu conforme, qui a eu des tas de simulations qui ont été faites depuis des années, voire des dizaines d'années, hein, y compris par des Français, même depuis longtemps. Hein. Donc, c'était assez conforme. Donc, cet anneau, on a un anneau avec une surbrillance au sud, en fait, qui traduit bien, en fait, finalement, l'influence, en fait, du trou noir central, en fait. Donc c'est assez conforme, finalement, à ce à quoi on s'attendait, en fait. Hein. L'une des premières questions que je me suis posée, c'est les couleurs que l'on voit, donc c'est sur des tons jaunes orangés, ce sont vraiment les couleurs réellement émises dans le visible ou c'est de la recomposition, Stéphane Corbel? Alors, en fait là non, c'est vraiment une image. Alors déjà, il faut comprendre en fait pour les auditeurs que ce n'est pas une image comme une photographie. Donc parce qu'on a tendance à imaginer une photographie dans le domaine optique visible, donc les couleurs voilà, le domaine visible. Donc comme observe la plupart des grands télescopes au sol, là c'est fait avec des ondes radio. Donc c'est une autre partie du spectre électromagnétique, hein, la lumière elle va des ondes radio jusqu'au rayon gamma et la partie optique c'est vraiment une infime partie. Là on est vraiment dans le domaine des ondes radio. Donc au même titre que les ondes radio nous servent à communiquer par le téléphone, par le wifi, par la télévision, enfin tous les moyens. Radio, même la radio, d'ailleurs. Voilà. Donc par exemple, il y a différentes fréquences d'observation en fait, et là on est dans les fréquences plutôt des ondes radio d'un petit peu plus haute fréquence. Donc c'est vraiment déjà, faut comprendre que c'est fait à partir des ondes radio. Donc ça, on reviendra peut-être sur la technique tout à l'heure. On va en reparler, évidemment. Donc ça vraiment, cette image en fait, elle a été faite en combinant les ondes radio qui provenaient de différents télescopes répartis sur Terre. Et donc Alain Riuazuelo, ces couleurs jaune orangé, c'est vraiment de la reconstitution. Ça n'est... c'est une carte d'intensité. Voilà. C'est-à-dire le rayonnement est plus intense en certains endroits que dans d'autres. Aux endroits plus clairs. On aurait pu faire ça en niveau de gris pour que ce soit moins confusant peut-être. Mais voilà. Et ces différences d'intensité, elles tiennent aux phénomènes physiques qui se produisent au voisinage de ce trou noir et à l'angle sous lequel on voit ce qui se passe. Alors justement, à propos de l'angle, est-ce que là aussi c'est une reconstitution ou c'est que effectivement on est plutôt dans la bonne direction pour l'observer exactement sous cet angle-là, c'est-à-dire avec finalement l'horizon des événements, le centre du trou noir au milieu de ce cercle d'accrétion? Alors effectivement, si le disque de matière qui entoure le trou noir, on le voyait par la tranche, on verrait quelque chose d'assez différent et de plus difficile à interpréter parce que la luminosité varierait beaucoup le long du disque. Alors que là, le disque, on le voit quasiment en incidence normale. Donc effectivement, il y a une surbrillance quelque part, mais c'est pas encore très marqué. Donc on voit la totalité de ce cercle lumineux autour du trou noir, ce qu'on n'aurait pas vu si, comme dans le film Interstellar, on voyait le trou noir par la tranche. Sachant que dans le film Interstellar, justement, l'image réaliste était tellement confusante que le réalisateur Chris Nolan a triché. En fait, il a fait une image moins réaliste pour que on ait cet aspect de cercle sombre entouré de quelque chose de lumineux à peu près uniforme. Parce que si on le voyait par la tranche, quel type d'image on aurait pu attendre si on pouvait essayer de mettre des mots dessus, Alain Riuazuelo? Alors, dans un premier temps, essayer d'imaginer les anneaux de Saturne qu'on voit sous différentes inclinaisons. Sauf que ce qui se passe ici, c'est que la matière qui tourne autour du trou noir, donc ce qui tient lieu des anneaux de Saturne, tourne extrêmement vite, entre la moitié de la vitesse de la lumière et la vitesse de la lumière. Ce qui fait que la partie de l'anneau qui s'approche de nous est beaucoup plus lumineux que la partie qui s'éloigne. Et donc plus vous voyez l'anneau par la tranche, plus ce contraste est fort. Et donc si vous voyez vraiment par la tranche, il y a un côté qui va être extrêmement brillant et qui va presque éblouir par rapport à l'autre côté. Alors qu'en incidence normale, c'est beaucoup plus uniforme. Et donc l'image, elle est plus parlante pour le public, plus spectaculaire. Voilà. Stéphane Corbel. Voilà, et puis pour compléter aussi, ça va dépendre aussi de l'environnement du trou noir en fait. Et on va avoir les trous noirs, en fait, ils accrètent de la matière, donc en fait, dans ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Donc, et là, finalement, on a une certaine chance d'avoir un trou noir qui accrète très peu de matière. Et donc, finalement, ce disque d'accrétion, il est peu visible. Donc, en fait, on a cet anneau en fait qui va apparaître autour. Mais autrement, si on avait ce disque de matière qui tombait autour, on aurait aussi en plus qui se rajouterait en fait cette image de ce disque de matière, mais qui serait vue, en fait, on pourrait voir le dessus et le dessous. Donc on aurait une sorte de sombrero déformé qui se rajouterait en fait à cet anneau qu'on vient de voir. Donc, mais là, on a la chance finalement d'avoir un trou noir qui est supermassif, Donc du coup, il a finalement un horizon qui est très grand. Et donc, on peut donner des ordres de grandeur que pour la taille de ce trou noir, parce qu'on voit une toute petite image et c'est vrai que on a du mal à se représenter voilà. La taille réelle. C'est immense. Hein, c'est... Ben, en fait, dans l'univers, il y a différentes populations de trous noirs. Mmh. Il y en a 2, 3, 4, ça dépend comment on compte. Mmh. Donc il y a les trous noirs stellaires, la fin de vie des étoiles qui vont à peu près avoir 10 fois, 20 fois la masse du Soleil, hein, voire un petit peu plus maintenant, d'après ce qu'a montré les ondes gravitationnelles. Et après, vous avez au centre des galaxies, le trou noir bande de M87, il est à peu près 6 milliards de fois la masse du Soleil. À titre de comparaison, dans notre galaxie, le trou noir, il fait juste 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc, la taille de l'horizon va être plus ou moins grande en fonction de la masse. C'est pour donner, alors j'ai lu pour donner une sorte de représentation, je parle sous votre contrôle, en termes de taille pour ce trou noir, ce serait 7 à 8 fois la distance Soleil-Pluton. Oui, c'est ça. Le rayon d'un trou noir, c'est 3 km fois sa masse en masse solaire. Donc, comme il fait à peu près 6 milliards de masse solaire, c'est un rayon de 40 milliards de kilomètres. Donc, oui, entre 5 et 10 fois la distance qui nous sépare de Pluton. Et un dernier mot pour conclure peut-être cette introduction, c'est que la bonne nouvelle avec cette première image, c'est qu'elle est strictement conforme à tout ce qui avait été prévu, prédit, modélisé jusqu'à présent. Alors, on avait prévu plein de choses, donc heureusement que ça correspond à une des choses qui avait été prévue, mais effectivement, étant donné que tout ce qu'on savait, toutes les indications indirectes qu'on avait, puisque avant de faire de l'imagerie, bah, les trous noirs qu'on observait, en fait, toute la luminosité était intégrée sur un seul pixel, on avait de bonnes raisons de penser que on pourrait voir ça. Mais pour l'instant, l'image n'est pas très nette, elle n'est pas très contrastée. À mesure que on va arriver à améliorer ça, on va être de plus en plus contraignant sur ces modèles de matière qui entourent les trous noirs. Et peu à peu, on va avoir peut-être des surprises. On va revenir là-dessus sur ces futures éventuelles surprises. Stéphane Corbel, néanmoins, pour le moment, ça reste conforme, c'est-à-dire que ça confirme. On va vous poster la première modélisation qu'avait faite Jean-Pierre Luminet en 1979. C'est extrêmement ressemblant. On a quand même l'impression d'être exactement au bon endroit. C'est assez conforme, tout à fait. Oui. Donc après la surprise qu'on va avoir maintenant, c'est avec l'image qui viendra du trou noir au centre de notre galaxie. Où là, c'est un autre défi. Sagittarius à étoile. On va en reparler. Ouais. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de cette image historique, la première image captée d'un trou noir de son disque d'accrétion, le trou noir supermassif M87 étoile, donc au centre de la galaxie M87. Nous en parlons avec Alain Riazuelo et Stéphane Corbel. Peut-être peut-on rappeler un peu ce que vous évoquiez à l'instant, Alain Riazuelo, c'est-à-dire que effectivement, ce que je disais aussi dans l'introduction, au départ, la première chose, c'est qu'un trou noir, c'est une solution à une équation. Et c'est vrai qu'Einstein n'était pas convaincu tout à fait. Non, Einstein a été dépassé par les manifestations les plus extrêmes de sa théorie. Il croyait pas aux histoires d'univers en expansion de Big Bang. Et il croyait pas non plus aux trous noirs. C'était la constante cosmologique Il avait essayé de trouver un échappatoire à l'expansion de l'univers. Et il a de même essayé de publier un article montrant que les trous noirs n'existaient pas. Qui est l'article le plus faux qu'il ait jamais écrit. Enfin, il n'a pas écrit beaucoup de faux, mais celui-là, il est manifestement faux. Et il est faux parce que il a oublié de suivre la méthode scientifique. Il avait décidé de la conclusion de son article avant de faire ses calculs, et donc il s'est convaincu qu'il avait atteint la conclusion qu'il voulait atteindre, alors qu'en fait, il s'était un peu trompé. Stéphane Corbel, donc quelles ont été en fait les premières étapes qui nous conduisent à cette première représentation, à cette première image? Pendant longtemps, il a fallu se contenter de preuves indirectes. Quelles sont-elles? En fait, pour la trou noire, en fait, de comment dirais-je, il a fallu en fait avoir des contraintes déjà sur la taille. Donc les contraintes se faisaient en fait en combinant des signaux radio de différents télescopes. Donc là, on pouvait mettre une limite supérieure sur la taille. Donc que ce soit pour le trou noir au centre de la galaxie ou M87, il y avait des contraintes. Et il y avait commencé à avoir des indications sur l'élongation de la source associée en fait à ce trou noir. Une source radio en fait. Donc il y a une source radio intense qui est associée à chaque fois avec chacun de ces trous noirs. Quelle est-elle, cette source radio? Qu'est-ce qui émet ces ondes radio qu'on a captées, en fait? Bah, typiquement, en fait, c'est du rayonnement synchrotron, c'est des électrons qui spiralent dans un champ magnétique. Typiquement, en fait, en général, autour de ces objets qui sont un peu extrêmes, c'est ce qu'on voit. En fait, l'environnement radio, on a des électrons, il y a des champs magnétiques. Donc, et là, enfin, il y a, que ce soit Gravity, que ce soit ce télescope, en fait, ils vont montrer qu'il y a des champs magnétiques dans les disques d'accrétion et en fait, ces champs magnétiques vont conduire, en fait, finalement, les particules vont les vers des jets. Et en fait, cet ensemble, en fait, va être une source de rayonnement radio compact, très intense. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on avait au départ. Alors, la question, ou en tout cas l'objection que je vais faire immédiatement, c'est que on a expliqué ici plusieurs fois, plusieurs reprises, et c'est ce qu'on apprend quand on parle des trous noirs, que rien ne s'échappe d'un trou noir. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'on réussit à capter? Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui réussissent à s'en échapper. Comment ça se passe? C'est le champ du cygne de la matière <C'est ça>. Qui, peu de temps avant d'être englouti par le trou noir, en fait la matière spirale de plus en plus rapidement autour du trou noir. Donc vous avez des frottements de plus en plus intenses au sein de cette matière, d'où une production d'énergie de plus en plus importante. Et c'est cette énergie-là qui est convertie... La relativité générale, donc les collisions entre particules génèrent de la lumière. Hein. C'est même pas un phénomène de relativité générale stricto sensu. Et le fait que vous avez des dissipations d'énergie importantes se traduit par des émissions de rayonnement et des processus qui s'avèrent être extrêmement compliqués et qui nécessitent une modélisation astrophysique assez compliqué, on s'use des phénomènes gravitationnels déjà un peu déroutants ou en tout cas atypiques qu'il y a autour des trous noirs. Stéphane Corbet. Et c'est même ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, entre les différentes populations de trous noirs, les trous noirs supermassifs et les trous noirs stellaires, on trouve en fait une similarité dans les phénomènes physiques, en fait. On voit de l'accrétion, de la matière qui tombe, et on voit de l'éjection. Et donc, en fait, il y a certaines personnes qui s'intéressent à justement essayer d'unifier les propriétés entre ces objets-là. Et ces jets de matière qu'on voit dans ces grandes galaxies, en fait, il faut se rendre compte que finalement, l'influence, ils ont des effets de rétroaction, en fait, sur la formation d'une galaxie. On va avoir ces jets de matière qui vont déformer la galaxie et on va avoir des dimensions qui peuvent être largement supérieures à la taille de la galaxie même, en fait. Et donc, il y a finalement, ça régule la croissance de la galaxie. Ce qui est le cas, effectivement, pour M87. Alors, on ne va pas revenir sur les ondes gravitationnelles, on en a beaucoup parlé ici, ce n'est pas le thème de cette émission, mais si ce n'est qu'on peut dire tout de même, Alain Riaziello, que ça a été la première preuve directe de l'existence des trous noirs. On avait eu des observations indirectes, je les ai évoquées, l'effet de l'antigravitationnel, les binaires X, bon, il y en a tout un tas, les quasars aussi. Les ondes gravitationnelles, c'est la preuve directe de l'existence de deux trous noirs, d'une coalescence qui déforme l'espace-temps. Voilà, disons que la preuve directe, c'est pas l'image d'aujourd'hui, c'est les ondes gravitationnelles il y a 3-4 ans, je sais plus. 2015. Et effectivement, puisque le signal d'onde gravitationnelle, alors là, vous allez être obligé de nous croire sur parole, mais on peut pas le reproduire autrement que par un trou noir. Et le signal d'onde gravitationnelle, il teste vraiment ce qui se passe au plus près des trous noirs, c'est-à-dire quand ils rentrent en collision. Donc c'est le test le plus extrême des lois de la gravitation trouvé par Einstein, et qui prédisent ces trous noirs. Donc maintenant, ce qui intéresse les astronomes, ce n'est plus de prouver l'existence de ces objets qui s'est peu à peu imposé depuis 20-30 ans comme une certitude de plus en plus incontestable. Voilà. Mais c'est vraiment d'étudier comment ces objets interagissent avec leur environnement et les conséquences que ça a sur des plus grande distance sur la structuration de l'univers. Et alors ça, c'était effectivement donc la première preuve incontestable. Venons-en donc à cet Event Horizon télescope. Stéphane Corbel, qu'est-ce que c'est que ce télescope si particulier qui a permis d'obtenir cette image? Pourquoi est-ce qu'il a fallu, parce que c'est on va vendre la mèche tout de suite, ça n'est pas un télescope, mais plusieurs télescopes qui travaillent en réseau, en interférométrie. Comment est né ce projet? Comment est née cette histoire? Et comment elle a abouti à cette image? La technique, en fait, qu'on appelle ce qu'on appelle interférométrie, donc c'est-à-dire de combiner, en fait, finalement, les signaux de différents radiotélescopes, elle date déjà des années 70-80. Ça a valu le prix Nobel, justement, à Ryle. Donc ça remonte déjà à quelques années. Donc en fait, on observe en ondes radio. Quand vous avez un télescope, donc vous avez typiquement ici, on va se retrouver dans le domaine de quelques dizaines, centaines de gigahertz. Donc on va avoir des paraboles. Donc parabole, c'est ce qui va définir en fait la capacité du télescope à collecter du rayonnement. Donc le principe, si vous voulez, vous pouvez mettre des grandes paraboles pour essayer d'avoir du rayonnement très sensible. Le problème, on va se retrouver à un moment donné à avoir une limite mécanique, en fait. Typiquement, les plus grands télescopes au monde, c'est 100 mètres de diamètre. Donc, on va être limité par la taille de la taille. Donc, alors, un moyen, donc, c'est d'en mettre plusieurs. Comme on ne peut pas en faire des trop grands, on va en mettre des plus petits. Donc, finalement, en radioastronomie, on va avoir deux éléments. Il va y avoir la sensibilité du télescope, ça va être votre capacité finalement à collecter du rayonnement, donc il faut en mettre beaucoup. Et la deuxième chose qui va jouer, c'est la résolution spatiale. En gros, ça va traduire la finesse de votre image, de l'image finale. Et là, il y a deux moyens de jouer sur pour améliorer la finesse de votre image, c'est finalement la longueur d'onde d'observation. Mmh. Donc soit vous allez à basse longueur d'onde, donc haute fréquence. Donc ça, c'est un moyen de le faire. Donc vous allez aller dans les ondes radio les plus hautes fréquences possibles. Et l'autre moyen d'améliorer en fait cette capacité, c'est d'augmenter le diamètre. Mais je vous ai dit qu'on ne peut pas augmenter de façon indéfinie. Donc le moyen finalement, c'est de combiner des télescopes qui seront à des distances très grandes. Et ça, on le fait de façon classique sur des distances de quelques dizaines de kilomètres, donc voire quelques centaines de kilomètres. Ça se fait assez facilement. Donc là, la difficulté, ça a été de le combiner sur des échelles en fait de dizaines de milliers de kilomètres, enfin sur 10 000 kilomètres maximum. Mmh. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, le faire à haute fréquence dans le domaine des ondes millimétriques, donc à 230 gigahertz. Donc voilà ce qui a entraîné un petit peu le gain. Donc un nombre de télescopes pour avoir de l'insensibilité, la grande distance et observation à haute fréquence pour pouvoir la résolution spatiale. Donc ça, c'est les deux éléments. Après, il y a encore d'autres, comme la capacité aussi du calcul, qui a permis en fait de pouvoir faire finalement combiner ces télescopes, ce qui n'était pas possible auparavant. Ce qui est important, parce que la puissance du calcul, on va voir que ça représente des données, des quantités de données absolument gigantesques, tellement gigantesques qu'il a fallu les transporter physiquement pour les réunir, notamment parce que l'un des télescopes de cette Event Horizon Telescope se trouve au pôle sud et qu'il a fallu attendre que l'été austral arrive pour pouvoir transporter les disques durs et les ramener dans les centres d'analyse. Ce qu'il faut comprendre quand on se penche un peu sur la façon dont ça marche, combien de radiotélescopes fonctionnaient ensemble sur l'Event Horizon? Là, il y avait 8 télescopes. Il y avait 8 télescopes sur 6 sites différents. Donc, qui étaient répartis en fait en Europe, aux États-Unis, au Mexique, il y en avait au Chili et en fait au pôle sud. Donc l'idée finalement, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie. Le principe, alors ça va être un terme un peu complexe, mais en fait, ce qu'on fait en radio, quand on mesure, ce qu'on appelle des visibilités, ça va être finalement, on fait une transformée de Fourier du ciel. Bon, c'est une opération mathématique assez complexe, mais finalement, on fait cette opération et en fait, on échantillonne un certain nombre de fréquences spatiales. C'est un peu comme si vous aviez une image et on va sélectionner certains pixels, alors dans une représentation particulière. Et donc, finalement, on échantillonne. Et après, la difficulté aussi, c'est que finalement, vous avez un échantillon. Donc ça veut dire qu'un échantillon de la réalité et qui ne représente qu'une fraction. C'est un peu comme si vous avez une image, vous prenez 5% des pixels et vous essayez de reconstruire votre image. Donc il va aussi y avoir derrière ce qu'on ne voit pas dans cette image, il y a tout un travail qui a été fait pour, à partir du faible échantillonnage qui était présent, de reconstruire l'image la plus fidèle. Et donc là, ils ont fait différentes méthodes, différentes techniques, des opérations en aveugle, tout ça pour arriver à cette image. On va revenir sur cette partie-là. J'aimerais qu'on reste un peu dans l'acquisition du signal, parce que donc 8 radiotélescopes sur 6 sites différents, ça a déjà un certain nombre de contraintes, parce qu'il faut déjà d'une synchroniser tous ces radiotélescopes de manière extrêmement précise, et puis surtout il faut avoir un peu de chance, simplement, c'est-à-dire qu'il faut que la météo soit bonne, enfin il faut que tout fonctionne en même temps. Racontez-nous un peu justement l'ensemble des paramètres qu'il faut ajuster de manière extrêmement extrêmement précise. Voilà, donc j'ai précisé donc les éléments importants d'un point de vue du télescope, c'est la sensibilité, la distance pour avoir la finesse de l'image, ce qui va jouer ici en fait, et après donc répartir donc ces télescopes sur différents sites. Ensuite, il faut que les conditions soient bonnes, il faut les faire fonctionner tous en même temps. Donc vous savez que il y a 6 sites différents. Eh bien, la probabilité pour que la météo soit bonne, elle n'est pas forcément... Après, évidemment, c'est des sites qui sont en altitude, parce qu'en fait, comme c'est dans le domaine millimétrique, on est aussi sujet à la turbulence atmosphérique. Donc ça rajoute aussi des complications. Donc, on peut dire que les ondes millimétriques, plus on augmente en fréquence, plus la vapeur d'eau les absorbe, donc plus c'est compliqué. Et voilà, ça va entraîner, en fait, on a finalement une onde électromagnétique, elle a une phase, et la stabilité de cette phase est extrêmement importante, en fait. C'est pour ça que finalement, il faut que les télescopes, on peut les coller les corréler ensemble sur des échelles de temps très courtes, en fait. Il faut donc échantillonner de façon très, très précise les, avec un GPS, en fait, qui va donner le temps à la nanoseconde, les nanosecondes très précises. Dixième de milliardième de seconde près. Et donc, en fait, voilà, il faut combiner ça, il faut avoir une bonne condition météo. Et là, justement, leur première campagne d'observation, il a fait beau temps partout. C'était en avril 2017. 2017, observation sur quatre nuits, tout à fait. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous observez votre source, vous observez une source de calibration, d'étalonnage, et vous alternez comme ça, de façon à pouvoir corriger les petites perturbations de l'atmosphère. Donc, et après, vous enregistrez les données, ça représente des quantités phénoménales, et après, il faut les ramener à un endroit où on va les combiner ensemble. On va les corréler, en fait. C'est ça, pour donner un ordre de grandeur des données, c'était 2 pétabits par heure d'observation Non, c'est pas des heures, c'est pas des heures entières. C'est plusieurs 8 gigabits par seconde, quelque chose comme oui, ça. C'est colossal. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est de très grosses équipes aussi. En tout, plus de 200 personnes à la Riazuelo, avec une organisation assez particulière aussi. Oui, parce que d'habitude, sur un projet qui regroupe autant de personnes, vous avez un maître d'œuvre qui va s'assurer qu'il y a une hiérarchie bien posée. Là, c'était une collaboration qui était beaucoup plus en autogestion, ce qui, étant donné les enjeux, le temps de télescope qui était alloué sur 8 sites différents, les défis technologiques à relever, c'était pas les conditions les plus favorables et... ils ont réussi assez rapidement, c'est-à-dire dans les délais qu'ils avaient à peu près annoncés à partir du moment où ils avaient les moyens technologiques de faire la prise de données. Ils avaient dit, il nous faudra environ 1 an et demi pour traiter les données. Effectivement, c'est à peu près ce calendrier-là qui a été respecté. Et donc, bravo. Oui, on peut préciser, par exemple, qu'il devait y avoir de l'acquisition également en 2018, mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons techniques, je crois, Stéphane Corbel. Oui, il n'y a pas de... Tout à fait. En 2018, il y a eu des problèmes de météo. Oui, voilà. Elle n'a pas été favorable. En 2019, il n'y aura pas de, il y aura pas de campagne. Et il faudra attendre la prochaine en 2020, tout à fait. Et puis, donc, une fois ces données acquises, donc, effectivement, on a rapatrié tous les disques durs sur 2 sites, je crois, hein, en Allemagne et un au Mexique, aux États-Unis. Et puis, on a beaucoup entendu parler de cette scientifique du MIT, Katie Bowman. Quelle a été sa tâche précisément? Alors, je la connais pas personnellement, mais en fait, alors ce que j'ai lu son histoire, c'est une personne en fait de la collaboration qui a exprimé sa joie à un moment donné sur les réseaux sociaux, et c'est une image qui est devenue virale. Alors après, cette personne a eu un rôle qui participait justement à une des méthodes de reconstruction des données. C'est ça, elle travaille sur l'un des algorithmes qui a permis de reconstituer les données. Mais voilà. Son rôle n'a pas été plus majeur qu'une autre personne, en fait. Mais simplement, ça a été une icône pendant un certain temps. Et après, Alain pourra compléter. Mais voilà, c'était une personne qui était là au bon moment, qui a fait une image qui est devenue iconique. Oui, ça a été, à mon avis, un gros raté de communication. Parce que quand une collaboration de 200 personnes... atteint un objectif difficile, ça se fait pas de mettre en lumière quelqu'un. Et le MIT, qui était son employeur, a, comme quantité d'autres institutions scientifiques, évidemment fait part de sa participation à ce projet. Mais il l'a fait de façon un peu maladroite, ce qui a donné l'impression qu'elle avait joué un rôle décisif, ce qui n'est pas le cas, et ce qui est très préjudiciable pour cette jeune femme, puisque ça a finalement donné l'impression qu'elle tirait la couverture à elle, alors qu'elle le souhaitait pas du tout. Elle a fait des démentis, d'ailleurs. Ça a été dommage. Et la raison pour laquelle, de toute façon, quand on est dans une collaboration de 200 personnes, il faut surtout pas qu'il y ait une personne unique qui fasse quelque chose de décisif, c'est que si cette personne fait défaut, alors c'est toute la collaboration qui s'effondre. Or, justement, dans une collaboration où il y a 200 personnes, les étapes cruciales, on va essayer de faire monter plusieurs sous-groupes qui vont indépendamment les uns des autres faire les mêmes tâches et vérifier qu'ils sont d'accord entre eux. Donc, justement, l'essence même de ces collaborations, c'est d'éviter d'être trop dépendant d'une unique personne. Et finalement, même s'il y avait, deux responsables principaux, un en Allemagne et un aux États-Unis, finalement, en fait, ça a été, ils n'ont pas été spécialement mis en avant, ça a été vraiment un effort de collaboration, finalement. Elle travaillait, Katie Boumen, sur l'algorithme qui a permis de reconstituer l'image. Mais comme vous le disiez, Stéphane Corbel, il y a plusieurs techniques qui ont été mises en œuvre dans des équipes qui étaient séparées pour s'assurer qu'elles ne communiquaient pas, pour pas s'influencer mutuellement. Enfin, tu vois, là, tout ça a été testé et passé sous différents filtres de telle sorte qu'on soit vraiment absolument certain que cette image soit correcte et le plus correcte possible. Non, tout à fait. Il y a plusieurs façons. Alors, même sans rentrer déjà dans l'image en elle-même, en fait. Hein. Donc, comme je dis tout à l'heure, on échantillonne un certain nombre de ce qu'on appelle des fréquences spatiales, en fait, de l'image finale. Donc, on peut déjà, en modélisant finalement ces fréquences spatiales, on peut déjà avoir une idée finalement de la structure de la source. Donc, ça c'est une première chose de fait. C'est finalement en regardant directement les enregistrements des télescopes. Après, tout à l'heure, je dis que c'était ce qu'on appelle une transformée de Fourier. On peut faire des méthodes d'inversion d'image, d'inversion des données, pour arriver à l'image finale. Et là, il y a plusieurs méthodes possibles. Ils en ont testé deux. Ils ont testé une méthode standard en radioastronomie, en fait. Hein. Et ils ont testé après une autre méthode un petit peu plus évoluée. Mais il en existe d'autres qui n'ont pas été testées, en fait. Hein. Donc, il serait justement intéressant de voir l'application de ces méthodes sur les données. Normalement, les données devraient être mises publiques, en fait. Donc, pour que les gens puissent se tester, en fait. Hein. Donc, ils ont testé ces différentes méthodes et ils sont arrivés finalement à des résultats qui étaient assez similaires, en fait, entre les méthodes. Donc, Midnight City de M83 sur France Culture, puisqu'on parle de M87, donc on s'est dit qu'à 4 près, c'était pas loin. C'est assez lamentable, mais c'est comme ça. M87, c'est cette galaxie dont nous avons pu obtenir une image du trou noir supermassif qui est en son centre. Nous en parlons aujourd'hui avec Alain Riazuelo, qui est chargé de recherche CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, et avec Stéphane Corbel, qui est astrophysicien, professeur à l'Université de Paris et directeur de la station de radioastronomie de Nancy. Alors, on a parlé à l'instant de cette méthode d'acquisition, l'Event Horizon Telescope, c'est 8 radiotélescopes mis en réseau à l'échelle de la planète, mais l'interférométrie est l'une des méthodes. Il y en a d'autres, comme celle de l'instrument Gravity, qui est installé sur le Very Large Telescope au Chili, auquel vous faisiez mention, Stéphane Corbel, tout à l'heure. Bonjour, Céline Lozen. Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous. Vous avez rencontré Guy Perrin, qui est en charge de cet instrument Gravity. Oui, Guy Perrin, Perrin est chercheur au LESIA, il est même le co-investigateur de Gravity. Quand je l'ai vu, il revenait tout juste de l'observatoire du Paranal au Chili. Alors, depuis 2 ans, cet instrument suit le déplacement d'une étoile témoin, entre autres l'étoile S2, qui orbite très très près de Sagittarius A étoile. La technique utilisée est celle de l'interférométrie longue base dans le proche infrarouge. C'est une méthode complémentaire, un peu différente à celle de l'EHT, mais qui, au-delà de fournir une image, a pour but de tester la relativité générale en conditions extrêmes. Le centre galactique est observable en gros 6 mois de l'année. Ça correspond à peu près à la fin mars jusqu'à début mi-septembre. Et donc là, nous avons repris les observations. Et donc j'y suis retourné pour la 2e séance d'observation depuis fin mars, avec l'objectif à la fois de découvrir de nouveaux sursauts et d'avoir de nouvelles mesures sur l'horizon des événements. Et puis aussi de continuer les mesures faites sur cette étoile dite S2 qui passe au plus près du trou noir, parce que nous allons avoir de nouvelles confirmations de la relativité générale cette année en mesurant un autre effet qui est un effet de précession de l'orbite de cette étoile autour de Sagittarius A étoile. Alors on a beaucoup parlé récemment de l'EHT avec ce dispositif qui fonctionne un peu comme un réseau de 8 grands télescopes répartis autour du monde. Comment fonctionne le projet Gravity en comparaison ? Alors Gravity c'est un peu la même chose à une échelle plus petite parce que la longueur d'onde est 1000 fois plus courte, ou pratiquement 1000 fois plus courte. Donc c'est aussi le principe d'un interféromètre, c'est-à-dire qu'on va aussi synthétiser un grand télescope de 140 mètres de diamètre en mettant en cohérence en fait 4 grands télescopes de 8 mètres pour obtenir une image ou une information spatiale à la résolution équivalente de celle d'un télescope de 140 mètres. Donc avec le HT, on a la résolution d'un télescope millimétrique de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Avec Gravity, on a la résolution d'un télescope à une longueur d'onde de 2 microns de 140 mètres de diamètre. Et quels sont les avantages de Gravity par rapport à l'Event Horizon Telescope ? Qu'est-ce qu'on peut voir qu'on ne pourrait pas voir ? Vous parlez du domaine millimétrique auquel est restreint finalement le HT. Alors en fait, les deux instruments sont complètement complémentaires. Avec Gravity, on est sensible à une radiation infrarouge, en fait, qui correspond à une émission importante des étoiles qui se trouvent autour du trou noir. Ça, on ne peut pas le voir avec l'Event Horizon Telescope. À l'inverse, avec l'Event Horizon Telescope, on a une résolution angulaire suffisante pour faire directement une image d'un objet supermassif comme M87 étoile qui était vu récemment ou Sagittarius A étoile. Avec Gravity, on fait de l'astrométrie, c'est-à-dire qu'on va voir les objets se déplacer, enfin, à la résolution, on n'a pas la résolution angulaire de l'Event Horizon Telescope, donc on ne peut pas faire une image à la résolution du trou noir. Par contre, on peut voir des événements, des orbites autour du trou noir, d'objets se déplaçant à des échelles comparables à celles du trou noir. Donc c'est ce qu'on a fait avec, par exemple, les sursauts lumineux en 2018, ce qui permet comme ça de tracer en fait quasiment les bords du trou noir. Donc c'est pas une image directement, mais à partir de ces orbites, en fait, c'est comme si on reconstituait une image du trou noir, ou en tout cas la silhouette du trou noir, c'est notre objectif. Et on est dépendant, bien sûr, d'événements lumineux qu'on appelle des sursauts. Les sursauts sont de différents types. Nous, on s'intéresse dans ce travail-là, en fait, aux sursauts qui nous permettent de remonter à une orbite qui soit proche de celle de l'horizon des événements du trou noir. Ça, c'est l'image de premier résultat à nous, c'est celui-ci, en fait. Où on voit donc la trajectoire mesurée par Gravity. On référence en fait la position de S2, de l'étoile S2 par rapport à Sagittarius A étoile, et on trace comme ça l'orbite de l'étoile. Donc là, c'est les positions relatives d'une étoile autour du trou noir de Sagittarius A étoile au cours du temps sur plusieurs mois. C'est ça. En fait, elle est sur une orbite qui est quasiment elliptique et qui passe au plus près du trou noir le 19 mai 2018. Voilà. Là, à ce moment-là, elle est tout près et puis elle recommence à s'éloigner. Enfin, ce qu'on voit, c'est la trajectoire générée par la présence du trou noir. Après, pour voir les effets relativistes, en fait, il faut combiner cette trajectoire avec une mesure de vitesse instantanée de l'étoile que l'on fait avec un autre instrument qui s'appelle un spectrographe. Dont on voit la mesure ici. Le spectrographe nous donne en fait la mesure de la vitesse sur la ligne de visée de l'étoile S2. Et on peut comparer cette vitesse à ce qu'on attend dans le cadre d'une théorie classique, de la gravitation classique, donc sans relativité. Et on s'aperçoit en fait que cette vitesse devrait ici correspondre à ce zéro de vitesse de référence, et qu'en fait on mesure une vitesse qui s'éloigne de façon importante, hein, de 200 km par seconde, de cette vitesse, disons, classique. Et cet éloignement, en fait, c'est que l'étoile rougit. Alors ce rougissement, comme on mesure la vitesse par effet Doppler, on mesure un décalage en couleur, un décalage vers le rouge. Mais en fait, ce décalage vers le rouge en vitesse, c'est pas une vitesse, c'est le fait que l'étoile devient effectivement plus rouge. Et c'est un effet dans le référentiel que l'on observe, c'est un effet de ralentissement du temps. En fait, le temps, pour nous, observateurs, quand on regarde l'étoile S2, ralentit au niveau de l'étoile S2 du fait de la proximité du trou noir. Donc c'est en cohérence, encore une fois, avec la relativité générale, les prédictions d'Einstein. Ah, complètement. Aujourd'hui, alors on a une précision qui va s'améliorer au fil du temps, et on exclut complètement la théorie newtonienne, c'est-à-dire classique de la gravitation. Alors ça, c'est une simulation justement d'un point chaud que l'on voit sur la dernière orbite circulaire stable. On voit un effet d'amplification du signal dû aux effets relativistes qui explique que on voit ces sursauts clignoter lorsqu'on les observe, et ils clignotent de manière périodique. Et vous voyez qu'on a plusieurs images. On a l'image principale du sursaut. Et puis, à cause de la courbure des rayons lumineux, en fait, on voit des images secondaires, des images tertiaires, etc., et qui finissent par dessiner, en fait, le bord du trou noir. On a vu des sursauts comme ça dans le courant de 2018, avec une période de l'ordre d'une quarantaine, 45 minutes, ce qui nous a permis de matérialiser pendant une heure environ un point chaud en déplacement autour du trou noir, et donc sur une orbite très très proche du trou noir. On est à 3-4 rayons du trou noir. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer la forme ou la silhouette du trou noir. Alors pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de l'horizon des événements. On est à un facteur 3,5-4,5 de distance de cet horizon des événements. Et on recherche cette année des événements sur des périodes plus courtes qui se dérouleraient donc plus près encore du trou noir. Voilà cet instrument Gravity, une autre façon. Alors, c'est complémentaire. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Stéphane Corbel? Non, Guy Perrin expliquait vraiment de façon assez claire, en fait, finalement. Le principe, il est un peu similaire de l'interférométrie, mais sauf qu'on est, comme on est à des fréquences beaucoup plus élevées, là, on est vraiment dans le domaine infrarouge. Hein, donc c'est beaucoup plus compliqué, par contre, de combiner. C'est pour ça qu'on ne peut combiner des télescopes sur des distances de, voilà, comme il disait tout à l'heure, 100 mètres, 130 mètres. Donc, alors qu'en radio, on peut aller jusqu'à 10 000 km. Donc, c'est vraiment la différence, en fait. Plus vous allez à haute fréquence, plus c'est compliqué. Donc là, pour l'instant, on se limite à des télescopes très, très proches. Mais en fait, la technique est la même, enfin, est proche, et après, mais c'est complémentaire dans ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, en radio, on va vraiment avoir les électrons énergétiques qui spiralent près du trou noir. Là, on va mesurer soit le déplacement des étoiles qui sont proches du trou noir, soit finalement des points chauds dans le disque de matière autour. Donc, voilà. Alain Riesvelo. Oui, parce qu'en fait, la grosse différence entre le trou noir qu'on a imagé et le trou noir central de notre galaxie, c'est qu'il y en a un qui est 1500 fois plus massif que l'autre, donc 1500 fois plus étendu. Et donc, comme les vitesses sont les mêmes dans les deux cas, les temps caractéristiques diffèrent d'un facteur 1500. Donc, un objet qui est très très proche du trou noir de notre galaxie met quelques dizaines de minutes à tourner autour. Autour de M87, il met 1500 fois quelques dizaines de minutes, donc c'est 50 jours. Et donc, sur les 4 jours de prise de données de M87, ben, on a une image qui est toujours la même. On s'attendait effectivement à ce qu'il n'y ait rien qui ait changé. Ce qui faisait la force de la méthode, c'est-à-dire qu'on n'avait pas en plus à s'embêter à reconstituer l'image, sachant qu'elle avait bougé pendant l'acquisition, ce qui aurait compliqué. Mais c'est ce qui fait aussi la faiblesse, c'est-à-dire que cette méthode n'a pas encore pu être mise en œuvre pour le trou noir central de notre galaxie, où les effets de bouger seront trop importants, alors que Gravity a été construit pour justement pouvoir intégrer sur des échelles de temps très courtes et donc détecter des déplacements sur les échelles de quelques minutes. Mais alors, pour tourner le problème d'une façon différente. Pourquoi est-ce qu'il est plus compliqué finalement d'obtenir via l'Event Horizon Telescope une image qui serait une image plus en mouvement de notre trou noir à nous, de Sagittarius à étoile? Au contraire, on pourrait imaginer avoir des images plus animées, plus mouvantes, presque limite un film de ce qui se passe autour du trou noir. Pourquoi est-ce que c'est impossible encore dans l'état actuel des choses, ou pourquoi est-ce que c'est plus compliqué en tout cas, Stéphane Corbel? C'est l'objectif en fait. Alors le problème en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans le trou noir au centre de notre galaxie, on le voit plus par la tranche. Donc en plus, il faut traverser en fait tout la matière qui, enfin, par la tranche, je veux dire, entre le, on est dans la tranche de la galaxie. Donc on a toute la matière qui va intervenir ici entre l'observateur et la source. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose aussi, donc comme Alain le disait, c'est que les échelles de temps de variabilité sont plus courtes sur la. Donc en fait, vous essayez de faire une photo d'un objet qui est complètement variable. C'est un peu comme si vous avez une foule, vous la prenez en photo, mais la foule bouge. C'est encore plus flou et on a du mal à distinguer le mouvement en fait. Par contre, avec les améliorations qu'il va avoir dans l'Event Horizon Telescope, la sensibilité va augmenter. Donc en fait, l'idée ce sera de pouvoir finalement sur un temps plus court avoir une sensibilité qui permet de capter finalement ce signal et cette image. Donc, Alain, oui, parce que la faiblesse de ces méthodes d'interférométrie, c'est que ça ne marche que sur des sources qui sont extrêmement brillantes, ou si elles ne sont pas très brillantes, sur des sources que l'on peut observer pendant des durées assez longues. Et donc, quand vous avez un événement variable, effectivement, si le temps de pose est supérieur au temps caractéristique où l'image change, effectivement, ça va pas marcher. Une des hypothèses de base dans les méthodes de reconstruction, en tout cas dans certaines, c'est que la source ne varie pas en temps et ne varie pas aussi en termes de morphologie de l'image. Donc là, si finalement vous avez un objet qui varie, vous brisez une des hypothèses de base, donc ce qui va entraîner des artefacts dans l'image. Alors justement, quelle est la suite? Il va y avoir normalement, vous l'avez dit tout à l'heure Stéphane Corbel, une nouvelle campagne d'acquisition en 2020. On dit aussi que pour augmenter finalement la résolution de l'image, on va augmenter le nombre de radiotélescopes de l'Event Horizon Telescope et diminuer la fréquence. Alors en fait, déjà, finalement, le nombre de télescopes ne va pas jouer sur la résolution. Donc en fait, c'est finalement le nombre de télescopes va permettre d'avoir une sensibilité plus grande. Et en fait, là, finalement, en France, il va y avoir un réseau de télescopes qui s'appelle NOEMA, qui est installé dans les Alpes. En fait, il y a 12 antennes, donc qui vont entraîner quand même une sensibilité importante. Donc ça, c'est la première chose. Donc augmentation de la sensibilité. Après, pour augmenter la résolution, on peut pas augmenter la taille de la Terre. Donc ça, on pourra pas jouer là-dessus. Donc l'autre paramètre sur lequel on peut jouer, c'est la fréquence d'observation. Donc finalement, comme en augmentant la fréquence d'observation, on va pouvoir améliorer. Là, actuellement, on observe à 230 GHz. Là, on va aller vers 340 GHz. Donc, en fait, on va augmenter de presque 50% la fréquence, donc de 50% la résolution. Donc, finalement, on va pouvoir avoir un peu plus de finesse avec un instrument qui sera plus sensible, donc qui logiquement permettra d'observer, faire des mesures sur des temps plus courts, et donc éventuellement d'essayer de ne pas être embêté par cette variabilité du trou noir au centre de notre galaxie. Pour ce qui est de Sagittarius à étoile. Mais on comprend bien qu'on ne peut pas augmenter la taille de la Terre, ou alors qu'il faudrait aller dans l'espace, que tout ça coûterait beaucoup beaucoup plus cher, même si ça reste une option tout de même. Il y a des projets pour ça. Il y a des projets pour envoyer un télescope dans l'espace. Alain Riazello. Si l'enjeu scientifique est considéré comme majeur, ça fera partie des missions spatiales qui seront proposées, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Maintenant, quand l'ESA ou la NASA font un appel d'offres pour une mission, il y a 50 candidats pour 3 places. Donc, c'est difficile de savoir à quel point ça sera considéré comme un enjeu majeur. Mais si jamais cette technique permet d'imager des objets beaucoup moins lumineux, ça va intéresser une communauté de radioastronomes beaucoup plus importante. Et là, effectivement, l'enjeu scientifique sera d'autant plus important parce que ça sera un outil pour faire beaucoup plus de choses que seulement, si j'ose dire, étudier les trous noirs. Alors, juste une question tout de même sur l'augmentation du nombre de radiotélescopes. Si on peut pas, on a atteint le maximum déjà possible. Si on rajoute, imaginons un radiotélescope au Groenland, est-ce qu'on peut pas augmenter malgré tout un peu la taille de l'interférométrie, Stéphane Corbel? En fait, la résolution va pas changer en augmentant son télescope. Par contre, comme on va beaucoup mieux échantillonner en fait l'image, donc un certain nombre de fréquences spatiales, finalement on va réussir à cerner les pixels les plus importants dans les structures de l'image, aux échelles qui correspondent à la reconstruction nécessaire pour la reconstruction de l'image. Donc finalement, c'est important de mettre certains télescopes à certains emplacements de la Terre, de façon justement à bien échantillonner en fait l'image. Donc ça va réduire les artefacts potentiels. Qu'est-ce qu'on peut espérer en augmentant la résolution et en augmentant les fréquences? On entendait tout à l'heure Stéphane Corbel parler notamment des jets de matière de ces trous noirs supermassifs. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer les visualiser, Alain Riviazulo? Alors, la façon dont le jet se forme à partir du disque, c'est quelque chose qui est assez compliqué à modéliser. On peut pas, par des arguments d'ordre de grandeur simple, déterminer à quelle distance du trou noir le jet se forme, etc. Donc, si jamais on arrive à imager le jet, à mesurer à quelle distance le jet émerge du trou noir, quel est son profil de luminosité, ça sera sans doute une aide précieuse. Maintenant, à partir de quand on pourra faire ça? Ça, c'est une question plus difficile. Stéphane Corbel. Voilà. Et pour ajouter, en fait, une des capacités aussi que va avoir, en fait, même qu'a normalement le HT aujourd'hui, mais qu'il va s'améliorer dans le futur, c'est qu'en fait, une onde électromagnétique, c'est quoi? C'est un transport d'un champ électrique d'un champ magnétique. Donc, potentiellement, ce champ électrique, il a une orientation privilégiée. Et en fait, ce qu'on appelle la polarisation. En fait, quand on fait des photographies, des fois, on met des filtres pour justement, en fait, éliminer un petit peu ces effets dus à la polarisation de la lumière. Ben là, en fait, ce que mesure en onde radio, en fait, on mesure la polarisation. Et en fait, la polarisation du rayonnement est en général liée au champ magnétique, en fait, des structures qu'on observe. Donc, logiquement, en fait, et ces structures de champs magnétiques, donc souvent on a un disque d'accrétion, des champs magnétiques qui sont ancrés, qui sont éventuellement verticales par rapport au disque, en fait, c'est ces structures finalement qui sont à l'origine de la formation de jets. Mais en fait, c'est une des grandes questions qui sont, quelles que soient les populations qu'on étudie, en fait, que ce soit les jeunes étoiles, les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs, le passage entre les disques d'accrétion et la formation des jets est absolument pas compris. Il y a des tas de modèles qui existent, des tas de simulations, mais finalement, on n'a pas tant que ça d'informations, on n'a jamais de mesures, enfin on a très peu, en tout cas très peu de mesures directes sur la formation de ces jets en fait. Est-ce que le fait d'avoir une image de ces jets pourrait précisément donner des informations ou favoriser l'une des hypothèses? Alors on a des images de ces jets en fait, on a déjà plein d'images de ces jets, de ces bulles de matière, mais elles ne sont pas proches de l'objet central. Donc là je ne sais pas, je suis pas persuadé qu'on va avoir les images de la base des jets, je demande à voir. Par contre on pourra avoir des informations sur la structure du champ magnétique à la base. Alain Riviazulo. Oui, en fait, il y a une coïncidence historique assez amusante, c'est que, comme vous avez dit, c'est en 1916, donc un savant allemand engagé volontaire sur le front russe reçoit les travaux d'Einstein et trouve, sans comprendre ce qu'il trouve, la description mathématique d'un trou noir. Et juste 2 ans plus tard, un astronome américain qui avait peut-être jamais entendu parler des travaux d'Einstein observe dans cette galaxie M87, grâce aux premières photographies à longue pause, qu'il y a une sorte de jet de matière qui semble émaner du centre. Alors à l'époque, personne ne sait qu'est-ce que c'est que cet objet qui s'appelle M87. On ne sait même pas s'il est dans notre galaxie ou si c'est un objet extragalactique. Mais ça a été en fait la première, rétrospectivement, la première indication qu'il y avait un trou noir au centre de cet objet. Et il a fallu un siècle pour passer de la preuve à très grande distance à l'imagerie directe. Donc soyons patients, mais un jour on cernera mieux. La technologie s'accélère un petit peu ces dernières années, donc on peut imaginer on aura peut-être à attendre un peu moins longtemps. Quelle est aujourd'hui, quelle est la science exactement que l'on peut tirer de cette image, outre le fait que on l'a entendu, on l'a dit, elle confirme ce que l'on imaginait, elle vient confirmer certainement la théorie de la relativité générale, mais est-ce qu'on peut tirer un peu plus de science de cela? Est-ce qu'on peut déjà imaginer ou commencer à calculer la rotation? Est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette image, Alain Riviazulo, de M87 étoiles? Alors, si on voyait le trou noir dans le plan de son disque, en supposant qu'il tourne perpendiculairement au plan de ce disque, la forme de ce trou noir serait légèrement déformée. Serait soit circulaire s'il ne tourne pas sur lui-même, soit légèrement déformée. Là, comme on le voit de dessus, de toute façon, la silhouette va être circulaire. Par contre, la structure exacte de ce disque va dépendre de si le trou noir tourne vite sur lui-même ou pas. Si le disque tourne autour du trou noir dans le même sens que le trou noir tourne autour de lui-même. Donc pour l'instant, avec les données qu'on a, on peut pas vraiment distinguer entre les différents scénarios possibles. Mais on va peu à peu le faire. Par exemple, il y a certains modèles de disques où le trou noir devrait montrer une variabilité au bout de quelques semaines. Donc, une variabilité de quel type ? Le flux de matière vers le trou noir est sans doute un peu turbulent. Donc, selon le degré de turbulence, la variabilité spatiale, disons, devrait être plus ou moins importante. Et donc, la prochaine campagne d'observation pourrait montrer une image légèrement différente. Et en fonction des modèles de disques qu'on a, on va pouvoir commencer à faire le tri. Alors, à quel rythme on va faire le tri, c'est difficile à dire, mais plus les données s'accumulent, plus on peut faire de science avec. Et puis c'est l'occasion qui fait le larron. Maintenant qu'on sait qu'on a ces images, ça va stimuler d'autant plus les réflexions sur les tests qu'on peut faire pour discriminer entre les différentes hypothèses. Stéphane Cormier. Voilà. Et puis en fait, pour revenir sur ces histoires de jet, en fait, finalement, ces images en fait peuvent apporter donc la mesure du taux de rotation du trou noir. Et ça, c'est finalement le trou noir, c'est un des objets les plus simples de l'univers. En fait, il est caractérisé par pratiquement deux paramètres, trois en théorie, ouais. Mais la masse qu'on arrive à caractériser, puis son taux de rotation. Et il y a des modèles en fait. Et le moment angulaire. Le moment angulaire, tout à fait. C'est la même chose. Ouais, ouais. Voilà. La masse plus le moment angulaire de la vitesse de rotation. Et donc en fait, à partir de ça, parce qu'il y a quand même un certain nombre de modèles qui prédisent que l'énergie de ces jets, en fait, qui est considérable, hein, on se rend pas compte, mais ça peut être des fois une fraction très importante de l'énergie d'accrétion, peut aussi on peut les extraire de la rotation du trou noir. Donc il y a un mécanisme qui permet de le faire et c'est un des mécanismes privilégiés finalement pour donner l'énergie à ces jets en fait. Hein. Donc et ça c'est important par contre d'avoir cette mesure de la rotation du trou noir. Oui, on peut dire que malgré l'aspect un peu mystérieux qu'ont les trous noirs, ce sont en fait les seuls objets macroscopiques qui sont aussi simples qu'une particule élémentaire. Quelque chose d'un peu, une sorte d'épure, qui est une des raisons aussi pour lesquelles ces objets aussi fascinent les scientifiques, c'est que c'est à la fois un objet qui échappe à l'intuition première, évidemment, mais c'est un objet qui est conceptuellement, on va dire, plus simple qu'une planète, par exemple. Et donc c'est pour ça qu'on peut espérer les décrire de façon extrêmement précise, ce qui permettra de mieux cerner comment ils interagissent avec leur environnement. Ce qui signifie que, pour conclure, dans la prochaine campagne d'acquisition, on peut attendre, on va continuer à se concentrer sur M87 et sur Sagittarius A étoile. Il n'y a pas d'autres trous noirs que l'on va essayer d'imager. Non, parce que tous les seuls trous noirs qu'on peut espérer imager, c'est soit ceux qui sont très proches, soit ceux qui sont très gros. Massif. Et on connaît à peu près aucun trou noir plus massif que celui de la galaxie M87. La galaxie M87 est la seule très grosse galaxie de notre voisinage. Donc voilà, c'est un hasard un peu heureux d'ailleurs qu'on soit seulement 2000 fois plus éloigné de la galaxie M87 qu'on ne l'est du centre de notre galaxie et que ce qu'on perd à cause de ce facteur 2000, on le gagne ou on le compense grâce à la taille physique de l'objet qui est 1500 fois plus grosse. Mais a priori, il n'y a aucun autre objet qui est moins de 5 fois plus petit. Donc les imager, vraiment leur silhouette, c'est probablement hors de portée pour longtemps. Donc pour dans cette prochaine campagne d'acquisition, on peut attendre et peut-être de l'imagerie de notre trou noir à nous, de la Voie lactée, et peut-être non seulement une meilleure définition, mais aussi peut-être une image en mouvement, soit en mouvement sur le moment, c'est-à-dire sur la campagne d'acquisition, soit en mouvement par rapport à cette campagne d'acquisition de 2017, Stéphane Cormel. Voilà, M87, donc avec l'augmentation de sensibilité, avoir l'évolution éventuelle de cette image, mais surtout en fait ce qui est attendu maintenant, c'est vraiment l'image du trou noir au centre de notre galaxie en fait, ouais. Et éventuellement son évolution. Et son évolution sur des échelles de quelques jours, voire quelques heures, mais ça c'est ce qui sera à terme, en tout cas peut-être pas tout de suite, mais voilà, première temps image de trou noir Sagittarius A étoile, et puis après son évolution. Logiquement elles sont là, l'évolution, on le voit, Gravity le voit, il n'y a pas de raison que le HT s'il peut le faire ne le voit pas. La campagne d'acquisition, on connaît les dates, on sait combien de temps de télescope on va pouvoir obtenir, ce sera 4 jours, peut-être un peu plus. À mon avis il risque d'avoir son plus avec ce qui, mais après voilà, c'est toujours limité. l'été, en fait. Ça va être quelques jours, que voire maximum quelques semaines. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Stéphane Corbel, merci Alain Riazuelo d'être venu nous parler de cette image historique, de cette image du trou noir supermassif de la galaxie M87, dont on suivra bien sûr les évolutions et puis les prochaines publications. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet, de Saint-Vulfran, Tob Humdenstock, Émilie Valla à la réalisation et Florent Bujon aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous vous parlerons de ce à quoi vous parlez lorsque vous rentrez le soir seul chez vous, dans l'obscurité de votre appartement ou de votre maison, et que vous demandez à voix haute, dans le silence général, ok Google, allume la lumière. Et oui, bonne ambiance chez vous tous les soirs. On parlera demain des assistants personnels et des ambiances des enceintes connectées. Vous allez voir, c'est un peu plus invasif qu'il n'y paraît. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.